Membre à 18h30 à l'Anglicane Lévis. Exposition des œuvres sélectionnées, Centre d'exposition Louise Carrier, Lévis, jusqu'au 9 novembre. Diffusion culturelle de Lévis vous invite à encourager les artistes d'ici. Informations et achats au espace dcl.ca/exposition. Bonsoir tout le monde. Joyeuse Halloween. Il est 0h. Nous sommes le 31 octobre 2025. Et c'est notre spécial Halloween sur Genix et Climax 80. Votre feuilleton radio préféré. Dans toute la francophonie. C'est l'épisode 16, mais on peut pas vraiment dire que c'est l'épisode 16, puisque c'est le spécial d'Halloween qui commence. On vous a préparé toute une liste de spooky songs. Ça va des années 40 à Brigitte Fontaine. Restez des nôtres, les amis, pour notre spécial d'Halloween sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Et notre spécial d'Halloween ce soir, c'est jusqu'à 3h du matin. Restez des nôtres, les amis. Ça fait peur. Pas parce que c'est le spécial d'Halloween qu'on peut pas faire la présentation comme à l'habitude de notre émission Genix et Climax 80. C'est d'abord un feuilleton radio, normalement, d'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80. C'est le titre du bouquin, encore inédit, donc. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, Monsieur Florian, votre animateur, tous les vendredis, de minuit à 2h du matin. Exception faite de ce spécial d'Halloween qui commence juste à l'instant sur Québec City. La pluie a cessé. Et c'est une journée parfaite pour célébrer l'Halloween. Bobby Pickett, Monster Mash. Alors, ce soir, pour notre spécial d'Halloween, on a toutes sortes de choses. On attend Martin aussi, notre oiseau pêcheur des ruisseaux. Il devrait venir. Il sait où nous trouvons. On est là, Martin. Prends le chemin qui court et rejoins-nous pour notre spécial Halloween. On écoute Bobby Pickett, Monster March. Vous êtes sur CKRL Radio, Dracula and his son. The scene was le 89,1 à Québec. By his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the Monster Mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. They played the Monster Mash. Out from his coffin, Drac's voice did ring. Seems he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, "Whatever happened to my Transylvania twist?" It's now the Monster Mash. And it's a graveyard smash. It's caught on in a flash. It's now the Monster Mash. Now everything's cool, Drac's a part of the band, and my Monster Mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Morty sent you. Then you can Monster Mash and do my graveyard smash. You'll catch on in a flash. Then you can Monster Mash. Rebonsoir tout le monde, chers auditeurs. Bonsoir Lana. Bonsoir. J'ai pas dit bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, est-ce que tu es prête à notre spécial d'Halloween jusqu'à 3h du matin? Comme la duchesse. Je veux dire la chaussette de la duchesse Archiplette. Archi-sèche. Enfin bref. Ouais. Alors, il y a aussi le téléphone ce soir. Vous savez que vous pouvez nous téléphoner, cette fois au bon numéro. Vous nous appelez directement dans le studio. Et c'est au 640-1586. Appelez-nous pour nous raconter des peurs ou nous demander une chanson en particulier. On attend vos appels, les amis. Ne soyez pas gênés. Appelez dès maintenant 88-640-1586. Vous êtes sur CKRL Radio au spécial Halloween des Genixers. Vous êtes en fait sur l'émission Genix et Climax 80, mais c'est le spécial Halloween. De là, la spooky musique. Restez des nôtres, les amis. c'est l'histoire d'un chien qui s'appelait Paf. Un jour, le chien, sans regarder ni à gauche ni à droite, voulut traverser le chemin détrempé. Et paf, le chien. Voilà, c'était une histoire d'Halloween. Et maintenant, on va y aller avec une excellente chanson. Tout à fait de circonstances, évidemment. Et vous la reconnaîtrez sans doute. Ray Mais Parker. Pour... What? Mais pour ceux qui ne savent pas la chanson qui était avant... La composition qui était avant, c'est Halloween, John Carpenter. Ouais, John Carpenter, évidemment. Mais pour là, vous écoutez Ghostbuster, et c'est de notre bon Ray Parker Jr. Ghostbuster, c'est KRL Radio, 89,1 à Québec. If it's something weird and it don't look good, who you gonna call? Afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Gonna call Ghostbusters. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Au lieu d'appeler Ghostbuster, ce soir on va appeler Fantôme. C'est pas mon fantôme d'amour, mais pour Genix, pour l'émission Genix et Climax 80, on pourrait dire que c'est un fantôme d'amour. On va dire ça comme ça. Et qu'on s'habitue toujours pas au départ du Spaceman. À soir, il va nous choquer avec sa toune. Sa grosse toune. C'était ma toune. C'est-tu votre toune aussi? Si vous voulez, vous pouvez appeler pour nous le dire au 88-640-1586. Vous appelez directement en studio et ça va nous faire plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et donc, on salue les gens au feu de circulation juste devant le studio. Ah, c'est beau, c'est une belle soirée ce soir pour partir en vrille et suffoquer. Mais avant, on va y aller avec la toune de Ace. Ensuite, ça va être suivi de la toune. Ah ben, on va suffoquer tout de suite? C'est ça que tu veux dire? Ok, alors suffoquons. Mais je veux dédier cette chanson. Cette chanson de joyeuse Halloween à tous les collègues du BW et Christophe et Richard et toute la joyeuse bande. Nasri, Michel, salut, joyeuse Halloween et bon week-end. Alors, allons-y tout de suite avec cet excellent morceau d'Halloween. Vous écoutez CKRL Radio, le 89,1 à Québec. Yeah. Anyway, du Kiss à l'Halloween. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On ne peut pas s'en passer. Ben non. Moi, la dernière fois, je me suis déguisé. C'était quoi? C'était. Ah, hein? C'était Ace. Ouais. Non, c'était pas Ace, ah, c'était Paul. Non. Ouais. Ace, c'était il y a longtemps. Mais. À soir, je me déguise en Ace. Yes. Fuck off. C'est le spécial d'Halloween. Eh bien, on a pensé proposer autre chose. Et on a pensé faire une petite pause de notre feuilleton radio préféré. Alors, moi, Jean-Seb, l'émission qui me précède. Joyeuse Halloween! Yes, joyeuse Halloween, Jean-Seb. Et que les dieux de l'Halloween soient avec toi et t'accompagnent ce soir et pour le reste. Ace s'en occupe. Il nous fait participer à son paradis. Ça nous choque, ben là, c'est bon. Anything goes. Cole Porter. Alors, ce soir, notre feuilleton radio fait une petite pause. Mais ça fait rien. On a choisi une histoire de circonstance. C'est une histoire d'Halloween, on peut dire. Ça fait partie de mon cycle de nouvelles. J'avais écrit 12 nouvelles et qui avaient été publiées dans le Paris du début des années 2000. Et celle-là, cette publication date de 2005, donc environ. Et celui-là, c'est 2008, enfin. Bref, ça s'appelle L'instinct du chasseur. Et on va aller bientôt à la pause. Mais je voulais vous en parler un peu, en fait. Donc, les chinoiseries parisiennes, c'était un cycle de nouvelles, 12 nouvelles. Et celle-ci, c'est la 11e. Et donc, ça parle d'un petit métèque. En fait, il vient du Bangladesh. Et il a échoué à Paris par les voies de l'immigration illégale. Donc, voilà, c'est une épopée malodorante. J'espère que ça vous amusera. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today, you gave a cent today, once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. Vous êtes sur CKRL Radio. C'est le spécial d'Halloween de Genix et Climax 80. Sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec City. On va à la pause et on revient dans un instant pour votre spécial d'Halloween. L'espace de rencontre et d'échange pour les esprits curieux vous propose des sujets culturels et artistiques passionnants. CKRL Radio. Dès 18h en semaine, au 89.1. Ce soir, je te préviens, on déménage. Attention, le knock-out déménage. Mais pas de panique, on ne va pas loin. On quitte notre local du 832 Saint-Joseph-Est pour s'installer à l'autre bout de la rue, au 47 Saint-Joseph-Ouest. Retrouvez-nous dans notre nouvel espace, juste à côté du complexe culturel Le Pantoum, dès le 1er novembre. Le Knockout, même vibe, nouvelle adresse. Ce soir, je te préviens, on déménage. Découvrez Québec comme vous ne l'avez jamais vu. Au sommet de l'édifice Marie-Guyard, l'Observatoire de la capitale vous offre un panorama spectaculaire à 360 degrés sur la ville. Nouveauté pour les membres de la FADOC, le billet est à seulement 7 $. Une activité idéale pour profiter d'un moment unique dans un lieu accueillant et accessible à tous. Pour plus d'informations, observatoire-capital.com. Après une énième tournée en Europe cet été, Bon Enfant sont de retour dans la province. Ne manquez pas le groupe rock de l'heure Bon Enfant en spectacle le samedi 15 novembre prochain à l'Impériale Belle de Québec. J'ai trouvé une étincelle, un amour éternel. Bien en vente maintenant sur bonenfantband.com. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Tous les mercredis, dès 11h30, CKRL présente en collaboration avec l'AQDR Section Québec l'émission Aîné, on vous écoute. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées est un organisme sans but lucratif qui veille depuis 35 ans à la défense individuelle et collective des droits des personnes aînées. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org. Ou encore téléphoner au 418-524-0437, poste 0. De retour à notre spécial Halloween sur l'émission Genix et Climax 80, qui prend une pause, comme je disais tout à l'heure, pour les nouveaux venus, car il y a toujours des nouveaux venus dans votre feuilleton radio préféré. Genix et Climax 80 qui prend une pause donc de ces petites chroniques du siècle dernier pour proposer donc une autre histoire, une chinoiserie parisienne qui traite des turpitudes donc malodorantes, comme je disais tout à l'heure, de Babou. Babou qui vient du Bangladesh, qui échouait à Paris. Au début, il avait des sous, mais ensuite les sous sont partis et il a fait autre chose. Il a fait de son mieux, comme on le fait tous. Il a cherché, malgré tout, l'exutoire. Et nous, on l'a trouvé ce soir. On a trouvé un exutoire. En attendant de trouver l'exutoire. Black Sabbath sur les ondes de CKRL Radio, le 89,1, en cette soirée d'Halloween. Il est minuit 33, c'est l'heure de Black Sabbath. C'est l'heure pour Ozzy de nous revenir en vie. What is this that stands before me? Ozzy Osbourne. C'était Paf le chien qui était revenu lui aussi. Enfin. Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tonight, sur Genix et Climax 80. Votre feuilleton radio préféré qui prend une petite pause d'Halloween. J'ajoute que si vous avez juste quelques miettes de temps à éparpiller pour la littérature,

On devait ce soir avoir un ami, Martin, notre cher Martin Pêcheur des Ruisseaux. On devait parler de légendes québécoises parce que je trouve que l'âme canadienne-française est très riche en légendes de toutes sortes. Des légendes pratiquement antédiluviennes puisque beaucoup de ces légendes nous viennent en fait de traditions orales qui nous viennent de différentes régions de la France. Notre mère patrie. Et donc, on salue donc les Français qui nous écoutent aussi. Et on vous souhaite de vous débarrasser de les pas bons. Les pas bons qui oppriment l'âme de la France éternelle pour la traîner dans la boue, dans les niaiseries pas possibles. Enfin, n'allons pas là. N'allons pas là, n'allons pas là. N'allons pas là, n'est-ce pas, Lana? Lana? Je préfère rester ici. Restons ici. La soirée Halloween. Restons avec Québec. Saint-Saëns. Vous écoutez Saint-Saëns. Danse macabre. Danse macabre. Sur CKRL Radio. Le 89,1 à Québec. La cavalerie est arrivée, quoi. Retourner fumer une petite clope, évidemment. Et donc, je vais juste continuer ce que je disais. Donc, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux, au sujet des Genix et Climax 80, donc, même si c'était pour parler initialement de mon ancien groupe, Dissection, dont je salue

on their way back from the fire. An August moon surrendered to a dust cloud on the rise. They tried to break us, looks like they'll try again. Wild Boys de Dorian, à l'époque c'était le nom. Ça doit se trouver encore sur Beatport ou Juno Records. Enfin, c'était sorti en Europe surtout. Et c'était bien amusant. Et donc, voilà. Il ne reste pas beaucoup de temps avant d'aller à la prochaine publicité. Alors, on va écouter un peu de musique et on va vous revenir après la pub pour notre spécial Halloween et notre chinoiserie parisienne, l'histoire de Babou, qui s'intitule l'instinct du chasseur. On vous revient tout de suite après ça et après la pause sur Genix et Climax 80, le spécial d'Halloween sur CKRL Radio, le 89.1 Québec. On écoute Lucien Midnight. Passe de contrôle au Major Tom. Je commence le countdown, pace la clutch. Check ton starter, pis que le bon Dieu souhaite ton bas. On dédie cette chanson à un ami des Portes Saint-Louis. Salut Gilles, c'est pour toi celle-là. CKRL 89.1. Mmh. Après une énième tournée en Europe cet été, Bon Enfant sont de retour dans la province. Ne manquez pas le groupe rock de l'heure Bon Enfant en spectacle le samedi 15 novembre prochain à l'Impérial Belle de Québec. J'ai trouvé une étincelle. Un amour éternel. Bien en vente maintenant sur bonenfantband.com. Découvrez Québec comme vous ne l'avez jamais vu. Au sommet de l'édifice Marie-Guyard, l'Observatoire de la capitale vous offre un panorama spectaculaire à 360 degrés sur la ville. Nouveauté pour les membres de la FADOC, le billet est à seulement 7 $. Une activité idéale pour profiter d'un moment unique dans un lieu accueillant et accessible à tous. Pour plus d'informations, observatoire-capital.com. Mercredi 22 octobre à 19h30, découvrez Michelin, une pièce percutante où Michel Maxime partage son vécu avec tendresse et cruauté. Toute ma vie, j'avais l'impression d'avoir étouffé mon jumeau Michelin à la naissance. Puis j'ai encore l'impression que mon jumeau Michelin me hante toujours. Mercredi 29 octobre à 19h30, Émile Bourgault vous présente Tant mieux, son tout premier album, une pop alternative teintée de folk et de rock. Vendredi 31 octobre à 19h30, le trio jazz MISC, accompagné en ouverture par René Lucier, vous transporte avec ses grooves puissants et ses mélodies cinématiques. Informations et achats au espacedcl.ca. Le marché de Noël du service d'entraide Basseville est de retour pour une nouvelle édition pleine de surprises et tout en couleurs. Au programme, breuvages, collations, décorations, articles de Noël, visites du Père Noël et cadeaux pour les enfants. Commencez la saison des fêtes du bon pied. Nous vous attendons le 8 novembre de 10h à 15h30 au 155 avenue du Sacré-Cœur. Oups. Comme quoi? Quand je vais te faire ça, bon, on sera rendu à la moitié. Et je sais pas si on va le lire en deux coups. Ou en trois coups, on verra. De retour, chers amis, chers auditeurs, pour une première. Une première dans la francophonie. ça va être l'instinct du chasseur, mais avant, on va aller avec une excellente chanson qui présente très bien. C'est de notre amie Brigitte. Brigitte Fontaine, qui va nous chanter sa chanson. Chante-la ta chanson, Brigitte. Mister. Aime l'hiver au ciel de pierre. Mister. Qui veut la chair glaciale et claire. Vous écoutez Brigitte Fontaine à CKRL Radio. Mister. Aime l'éclair fondant la terre. 89,1. Un des posters de sa grand-mère à Québec. Mister, tu gardes ton mystère, Mister. Mister, parcours les mers et les déserts. Et œil de verre. Mister. À de l'éther dans sa glacière. Mister. Clame des vers dans les waters. Mister. Tu gardes ton mystère, Mister. Un instant à peine, Mister va enfin révéler son mystère. Mister. Toujours polaire et solitaire. Mister. Mon jeu d'hiver d'un air austère. Dans son repère, prend des clistères. Fous les crémières et les chimères. Mister, mister, tu gardes ton mystère, mystère. D'abord, Mister Mister, il s'appelle Babou. Et il vend des roses et des conneries dans Paris. Il s'épuise à touiller la marmite de ses ambitions étranges. Mister, Mister. J'adore le jazz. Le jazz, non, mais je parle pas du jazz le normal, le jazz gnagnin. Je parle du jazz. Ben oui, du jazz. Ah, d'accord. Alors, on va y aller sur... Si tu dis jazz, c'est pas rockabilly, quoi. Non, ben non, c'est pas le rockabilly. Le rock c'est rap. C'est rapabilly. Non, c'est vrai, c'est le rapabilly. On va pas pousser notre luck, bébé. On va y aller comme on a dit. Et on embarque dans l'ascenseur. On embarque dans les chinoiseries parisiennes, les amis. La 11e chinoiserie, on va la lire en entier. C'est notre spécial d'Halloween. Allons-y avec Ascenseur pour un échafaud qui va nous accompagner. Rien de moins que Miles Davis pour accompagner Babou dans ses turpitudes malodorantes de guenillou sophistiqué. Dans Paris, c'était, oh, si tout est relatif, c'était il y a très très très longtemps. Ça s'intitule L'instinct du chasseur. En fait, non, c'était la toile que j'avais fait là, enfin, l'espèce d'image que j'avais fait qui s'appelait l'Institut Chasseur. L'histoire, c'est la 11e chinoiserie parisienne et ça s'appelle L'arroseur arrosé. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Maudit français. J'aurais dû écouter ma grand-mère et choisir l'Angleterre ou l'Italie. Au fait, pourrais-tu me dire, toi, qui ne veux que mon bien, toi qui sais presque tout, ou du moins une bonne partie de ce qu'il faut savoir, toi qui as le droit d'élire des imbéciles incapables mais pros de la politique et du mensonge. Ou des nouvelles stars, plus minables encore que le Beaujolais nouveau de cette année. Toi, qui as droit au découvert et au surendettement. Toi qui touches l'aide au logement et qui bénéficie des bons soins de l'État, providentiel et laïque. Toi qui as les moyens d'entretenir toute cette masse de bureaucrates invirables et inutiles, qui passent le plus clair de leur temps à jacter et à chier par les fenêtres des étages supérieurs. J'aime la pureté de ta langue quand tu te réunis entre amis pour jaser à l'apéro de toi et de ton petit business. Quand tu fais les soldes, tu fais le fier à la sortie du métro avec ton portable à la con et tes jolies fringues. Toi, le petit vénard qui a la chance d'avoir le monopole de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc toi, oui. As-tu vu dans mes yeux aujourd'hui ? As-tu commencé par regarder dans cet étrange regard d'étranger que j'ai ? Et d'abord, tu aurais pu commencer par me voir. Si oui, tu aurais su combien j'ai rêvé de toi quand j'étais là-bas, dans ma vie d'avant. Aurais-tu compris ce qui m'a fait t'aimer ? Aurais-tu eu la force et ou l'envie d'être fidèle à cet amour ? Aurais-tu su être à la hauteur de ce que tous les métèques comme moi attendaient de toi en échouant ici ? Il te faut la sagesse de comprendre qu'il n'est aisé pour personne de se pointer à une soirée quand la fête bat son plein et qu'on n'a pas été invité. Pardonnerais-tu mon ignorance de certaines choses concernant ton monde et la logique de ton continent? Quand m'accepteras-tu comme faisant partie des tiens? Peux-tu voir que cela est vital pour nous deux? As-tu du cœur? Oui. Oui, je le sais. Et tu le gardes pour toi et tes proches quand vient le temps de Noël. Et moi, je pleure dans une cabine téléphonique qui pourrait tout aussi bien être à deux pas de chez toi. Faut le dire, ça lui prenait souvent à Babou de geindre en ruminant sa frustration. Surtout vers le soir, quand il partait à l'abordage des Parisiens pour leur vendre ses satanées roses. Babou est du Bangladesh. Il est venu en France il y a 7 ou 8 ans. Il est venu tenter sa chance comme ça, comme tant d'autres, sans papier, avec son baluchon et des rêves américains plein la caboche. Sa vieille mère, une ex-poule de luxe reconvertie, s'était saignée aux quatre veines, et elle avait le sang vachement chaud à une époque, pour lui payer des études à l'université de Pondichéry. Des études françaises, Babou, il avait appris le français très jeune. Il connaissait tout le répertoire d'Édith Piaf avant même de savoir s'asseoir. Surtout, faudrait pas croire que cette lubie lui soit venue tout seul, avec sa maman francophile. Il paraissait même au dire de celle-ci que... Enfin, le papa de Babou aurait appartenu à la diplomatie française à la grande époque de Giscard. En vérité, elle n'avait jamais été sûre. Enfin, pas vraiment, de l'identité du père. Elle s'était joyeusement tapée tout ce que la Ve République comptait comme grosses légumes dans cette région du monde. Les ambassadeurs, les consuls, les sous-fifres ministériels, les secrétaires désœuvrés, les agents secrets diplômés du week-end, les lobbyistes de la misère. Et même parfois, tout en bas de l'échelle, les concierges esselés du jour de l'an. Ils y avaient tous eu droit au cul de la mère à Babou. Puis, il y avait eu la guerre civile. Et tout ce qui va avec. Les Occidentaux s'étaient gentiment barrés chez eux. Ils n'avaient rien à gagner à s'en mêler. Tu rigoles. Babou était venu au monde au milieu de tout ce merdier. Dans le boucan des mobilettes qui soulèvent des tourbillons de poussière. Juste après ses couches, la dame avait réussi à trouver une combine pour aller planter ses choux, loin de la ville et de la guerre, au crochet d'un vieux propriétaire terrien à la veille de claquer. Elle avait tiré le jackpot. Le petit garçon avait donc grandi à l'abri du besoin. Une enfance dorée. Dans un bungalow au bord de l'océan Indien. Rien à dire là-dessus. Sauf peut-être pour la fois où l'été de ses 12 ans, il avait trouvé un cadavre sur la plage. Juste à la lisière de la jungle, à 200 mètres de chez lui, amené là par l'océan. En suivant un papillon égaré, il était tombé sur ce type. Ce type mort, assassiné depuis pas très longtemps apparemment. On lui avait tordu le cou pour ensuite l'abandonner à lui-même. Une sale affaire, sans doute. Du boulot bien fait. Militaire. Babou trouvait cela fascinant. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'avait pas la télévision. L'homme était encore jeune. 35 ans environ. Il pesait dans les 70 kilos. Mesurait 1,80 m. On lui avait rasé les cheveux. Tache de naissance sur la fesse gauche. Ah oui, il n'avait pas de tatouage. Il ne portait plus que son slip et une paire de bottes élimées. La relation, pour le moins étrange, avait tout de même duré un bon mois. Babou n'avait pas de petite copine pour jouer avec lui. Alors, il venait tous les jours après-midi. Il avait même baptisé son cadavre Charlie B. À la fin de chaque visite, avant de partir, Babou recouvrait Charlie de branchages et d'espèces de grandes quenouilles pour le dissimuler aux regards indiscrets. Ah, son grand ami Charlie B, l'espion nazi en décomposition qui en savait trop sur les U-boats fantômes et sur toutes les magouilles innommables du Troisième Reich. Heil Hitler! Faudrait surtout pas croire que le salut accompagnait au début, Babou s'était tenu un peu à distance, manifestant même à l'égard du mort une certaine déférence. Mais l'ardeur et la curiosité de la jeunesse aidant, au bout du quatrième jour, il avait vite fait de se sentir tout à fait en confiance. Un jour donc, innocemment, juste pour voir ce que cela faisait, il lui avait arraché un œil en s'aidant d'une petite cuillère de plastique, elle aussi trouvée sur la plage. La cavité laissée béante lui permettait d'entrevoir déjà à l'époque, comme dans un flash, que l'envie lui démangeait de trouver les mots pour raconter des tas d'histoires intéressantes. L'œil, ne sachant trop que faire avec celui-ci, il l'avait tout bonnement donné à bouffer à son chien. Un petit chien bâtard, brun, tacheté. Babou adorait son petit chien. Il aimait bien Charlie aussi, mais il le trouvait assurément peu loquace et très moche avec son œil en moins. Ça cassait toute la symétrie de son visage tout à coup. Ça lui donnait l'air glauque. Il avait donc décidé de lui arracher l'autre œil. Bloup. Qui avait fini sa carrière exactement comme le premier. Bloup. Durant les quelques semaines qui avaient suivi cette expérience, Babou lui avait arrangé une drôle d'autopsie à son nouveau pote Charlie. Il lui avait d'ailleurs taillé un joli petit costard pour l'hiver. Mais sinon, Babou, il avait fini par l'enterrer proprement. Charlie, quand l'odeur était devenue trop désagréable, quoi. Ça risquait de le faire repérer. Il avait donc creusé un grand trou et l'avait poussé dedans, sans plus de cérémonie. Donc, à part cette petite, cette petite anecdote, rien à signaler de spécial dans l'enfance de Babou. Quoi qu'on en dise, sa maman avait assuré. L'insouciance, le soleil, la plage, l'océan passaient pour être les seuls frères et sœurs qu'il ait jamais connus. Ses seuls vrais amis. On va faire une pause. Et puis, on va revenir tout à l'heure avec la suite de notre histoire d'Halloween. L'arroseur arrosé, l'histoire de Babou, ce gentil métèque bloqué dans Paris au début du siècle. Et ça va nous donner aussi l'occasion de mettre une excellente chanson, un morceau de musique qui certainement va vous plaire à vous autres, les crinqués auditeurs de Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré, qui prend une pause ce soir pour son spécial de Halloween sur CKRL Radio. Le 89,1 à Québec. CKRL 89,1. Le site archéologique Quartier Roberval à Cap-Rouge prolonge sa saison de visites libres jusqu'au 21 novembre. Venez admirer la vue spectaculaire depuis la passerelle, capturer des clichés inoubliables ou simplement vous ressourcer au cœur de paysages automnales magnifiques. Ne manquez pas cette dernière chance de découvrir un site historique et une vue impressionnante avant l'hiver. N'oubliez pas, cet automne, on se donne rendez-vous au site archéologique Quartier Roberval à Cap-Rouge. J'ai pas envie de mourir. J'ai peur de vivre tellement longtemps, puis de regarder derrière, puis d'avoir trouvé ça tout le temps soit plate, soit tough. La chose la plus terrifiante au monde, après l'hostie montée du fascisme, c'est de m'imaginer vivre encore 60 années. Puis là, en plus, avec l'hostie montée du fascisme. Anyway. One Night Only, pièce de théâtre présentée à premier acte du 28 octobre au 8 novembre prochain. Bien en vente sur premieracte.ca. Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle. Juliana Léveillé-Trudel, autrice de Nirlit et de On a tout l'automne, revient à la Maison de la littérature avec le spectacle En fabulation. Le 7 novembre, venez entendre les magnifiques récits de Louis-Olivier Pelletier, Erika Soucy, Jessica Mestli et Thierry Leblanc, pour une soirée grand public et pleine d'émotions. En fabulation à la Maison de la littérature, le 7 novembre. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz folk avec Brock, Lenzetti, Ogawa. Les trois virtuoses du légendaire groupe Snarky Poppy débarquent pour une soirée explosive fusionnant jazz, folk, groove et musique du monde. Voyez cette formation qui repousse les frontières musicales et envoûte par ses improvisations et ses mélodies accrocheuses. Le 7 novembre, préparez-vous à un voyage sonore audacieux et captivant avec le jazz folk de Brock, Lenzetti, Ogawa, au Palais Montcalm, Maison de la musique. Détails au palaismontcalm.ca. Alors, de retour sur Genix et Climax 80, l'épisode entre guillemets 16. Mais puisqu'on fait une pause, alors on s'est interrogé à savoir si on allait toujours parler d'un épisode 16 alors que on prend une pause pour notre spécial Halloween. Alors, on va écouter une excellente chanson. Ça va nous faire du bien. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Et il y avait également le vieux phono de sa grand-mère, la grand-mère de Babou, sur lequel il écoutait toujours les mêmes disques archi-usés, ceux de Piaf, de Maurice Chevalier, d'Yves Montand. Son préféré, c'était justement celui qu'on entend. Celui-ci, et un autre vieux 78 tours, tout rayé, qui commençait par la Marseillaise et qui retraçait tous les grands discours du général de Gaulle. Sa maman avait dû ramasser ça dans une poubelle du consulat entre deux passes rapides payées au lance-pierre. On écoute Maurice Chevalier sur les ondes de CKRL Radio. Excusez, Yves Montand, pardon. Et les feuilles mortes, c'est sur CKRL Radio. La nuit. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Oh, wow. Excellente chanson de Maurice, de Yves Montand. Les feuilles mortes. Alors, on fait une petite pause de notre nouvelle. Enfin, l'histoire de Babou, on la met entre parenthèses pour écouter une petite chanson d'Halloween. C'est d'un groupe excellent qu'on adore ici, n'est-ce pas, Lana? Qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Oh, ça fait... Si tu disais, si tu ça devais... Fait, ça fait partie de ma vie, quoi, de ma éducation aussi. Ouais, tu m'étonnes. C'est un groupe... hyper sharp. C'est massif et ça t'attaque le enfin le cortex ou ce que tu voudras. C'est une attaque massive et ça s'appelle Dissolved Girl. Vous écoutez CKRL Radio la nuit et c'est le spécial d'Halloween de Genix et Climax 80 au 89,1 à Québec en direct de Quebec City. N'oubliez pas que vous pouvez nous téléphoner au studio pour nous donner votre avis sur le spécial d'Halloween ou... 88-640-1586, c'est quoi? Appelez-nous pour nous souhaiter joyeux Halloween ou le souhaiter à quelqu'un qui vous tient à cœur et lui dédier une excellente chanson d'horreur. Joyeux Halloween, chers auditeurs de CKRL Radio. Massive Attack et leur excellent morceau The Soft Girl. Vous êtes sur le spécial de Halloween. Joyeux Halloween, mes auditeurs. N'hésitez pas à nous appeler au 88-640-1586 pour nous dire ou nous demander une chanson spéciale. Pour quelqu'un qui vous tient à cœur ou pour souhaiter joyeux Halloween. Donc, allons-y avec une petite présentation de l'émission Genix et Climax 80 qui normalement a cours et qui reprend la semaine prochaine, évidemment. Votre feuilleton radio préféré ne vous laissera pas tomber comme ça. On n'a pas l'intention de vous baiser à moitié. On a l'intention d'aller jusqu'au bout du truc. Alors, l'émission Genix et Climax 80 pour les nouveaux, enfin pour les nouveaux venus, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, eh bien, c'est d'abord un feuilleton radio, d'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80. C'est le titre du bouquin, encore inédit, et qui sortira bientôt. Et donc le texte est interprété par l'auteur lui-même, M. Florian, votre animateur, tous les vendredis de minuit à 2h du matin. Exceptionnellement ce soir pour le spécial d'Halloween, on est ensemble jusqu'à 3h AM. Alors, on a décidé d'être votre opening act pour tous ceux qui ont l'intention ce soir d'écouter des films de peur, de fermer les lumières, d'allumer ce que vous voudrez et de voir ce qui se passe après. Donc, on va faire un synopsis aussi, tant qu'à être, de notre feuilleton radio qui, comme je le dis, reprendra la semaine prochaine ses programmes, ses émissions régulières. Alors donc, dans Genix et Climax 80, on traite des tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, au milieu des années 80 dans la ville de Québec, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, de ses valeurs, cherche l'exutoire dans la musique métal et dans la semi-délinquance. Voilà, les amis. La semi-délinquance, on la pratique ce soir dans cette émission spéciale. C'est une semi-délinquance intellectuelle ou professionnelle, je ne sais pas. On n'a pas vraiment... Enfin, on avait plus ou moins préparé l'émission, non? Enfin, un peu, tout à l'heure. On a regardé ça un peu, quand même. Cette semaine, on avait tous les deux, mais... J'ai même fait une petite liste. Ben oui, une grande liste, d'ailleurs. Mais malheureusement, on avait aussi un invité ce soir, Martin. Notre cher Martin Pêcheur. Tu veux dire malheureusement, il n'est pas ici? Ben oui, malheureusement, il n'est pas ici. Est-ce que tu fais de dos? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est perché Martin Pêcheur. Martin Mystère. En tout cas, ce n'est pas grave. Il doit sûrement avoir des raisons qui sont les siennes. Et... on l'invitera à nouveau de toute façon. Sur Genix et Climax 80, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut absorber comme improvisation. On est les rois pêcheurs, les Fisher Kings. Et c'est pour ça qu'on adore la bonne musique. On a des branchies, on a des oreilles, on a des branchies, on a une clope à la main. Et on va aller la fumer. Pendant ce temps-là, on va mettre Portishead. All mine. Yes. Sur CKRL Radio. La nuit. Sur le 89,1. Et c'est à Québec. Smile. Oh, how I feel so good. a écouté... un gros morceau. C'était Portishead, All Mine. Thank you very much. Non, on s'est trompé d'épisode. Alors, je crois qu'on est prêt. Il est 1h46. Et vous êtes à Québec, en direct des studios de CKRL Radio, le 89,1. C'est sur la 3e avenue, à Limoilou. Limoilou. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier de notre belle vieille capitale. On veut que ça marche à Québec. Alors, on va prendre la chance d'aller à une autre séquence de notre histoire spéciale d'Halloween. L'histoire de Babou, un étranger dans la ville. C'est une histoire d'immigrant. Ça se passe à Paris, au début des années 2000. Mais là, on faisait un petit récapitulatif de Babou. C'est qui Babou? Et c'est ce qu'on va voir. Et c'est sur la musique de Miles Davis. Ascenseur pour l'échafaud. Le petit gars récitait tout ça par cœur devant son miroir durant les mois de mousson. L'appel du 18 juin, le discours de la libération de Paris, celui d'Alger. Ça devait être pour ça qu'il avait un drôle d'accent en français, avec le timbre et les intonations grandiloquentes du vieux. Il se sentait sans cesse obligé de recourir à l'emploi du passé simple ou de l'imparfait du subjonctif pour vous demander de lui passer le sel à table. Français, je vous ai compris. Et le petit Babou de rêver de la France et de son minuscule pré hexagonal qui lui semblait immense vu de là-bas. Plus tard, une fois ses études achevées avec brio, on ne savait lui offrir que des boulots propres, bien payés, mais qu'il faisait bâiller aux corneilles. Il refusait tout en bloc. Rien de la sorte, mes petits amis. Moi, j'ai décidé de faire écrivain français. Dramaturge, un précurseur du futur, un aventurier de l'immortalité. Pour ça, il avait voulu venir en France, à Paris. Sa mère n'avait pas trop compris, mais elle avait confiance en son poussin. Elle avait filé un paquet de fric à des loubards esclavagistes qui organisaient crapuleusement l'exode des cerveaux et des cutéreux. Dieu tout-puissant, qu'il avait galéré pour arriver jusqu'ici. 3 semaines, pratiquement sans se laver, à prendre des avions, puis des trains, puis des ferries, à se cacher sous de vieux mégots de cigarettes, afin d'éviter les flics de la fourrière, à rester planqué pendant des heures, dans des camions remorques, New Delhi, Moscou, Zurich, Athènes, Rome, et finalement Paris. Il avait passé tous les contrôles, embrouillé tous les maillons du filet. Bref, il avait manger sa merde. Matin, midi, soir. À toutes les sauces et sans grimacer. Le courage de l'immigrant est admirable. Comme celui de l'itinérant ou du spermatozoïde qui fonce dans le noir sans se poser de questions. En évitant soigneusement tous les pièges que le hasard lui tend. En faisant fi de tous les simagrées du destin. Il n'y a que les immigrants pour avoir le vrai sens de l'épique. Tout commence toujours par un immigrant. Un de ceux qui a brûlé ses ponts. Bien intentionné ou pas. À présent, tout ce qui lui restait de l'enthousiasme du départ, c'était une paire de lunettes noires, des lunettes fumées. Longtemps, il s'était battu contre la misère. Si vous allez au restaurant, vous avez sûrement dû manger dans une assiette, bu dans un verre qu'il avait déjà astiqué. Tous les chaudrons entartrés des usines à merde de Paris portaient sa marque. Tous les établissements négriers de la capitale avaient dû en appeler un jour ou l'autre à ses petites mains devenues gercées par l'eau et les dépôts de calcaire. Pour racler le dessous des fourneaux et déloger les araignées en apnée dans le tuyau des chiottes. Il les tuait pour ensuite leur voler leur âme. Il était redouté comme la peste chez les insectes, surtout chez les cafards et les cloportes. Les rats l'avaient surnommé Babou, le preneur d'âme d'araignée. Ne voyez là aucun sadisme de sa part. Mais cet apport spirituel lui donnait tout juste la force à l'époque de remettre son suicide au lendemain ou au surlendemain, dans le meilleur des cas. C'est comme ça, patatrac. Ce qui devait arriver, arriva. Un jour, après plusieurs années d'un dur labeur pour essayer d'atteindre je sais plus quoi, il avait fini par en souper de tout ça. Comme tout bon nègre, il avait secoué ses chaînes, rendu son tablier et il s'était enfui dans la forêt, en perdant un mois de salaire. On va aller à une pause publicitaire. On va continuer avec Miles, mais on va aller à une pub. Et tout de suite après, on revient avec la suite de L'arroseur arrosé, la 11e de des chinoiseries parisiennes. Restez des nôtres, les amis, sur CKRL Radio, le 89,1 à Québec.

tous les trucages, tous les effets sont produits devant la caméra. Donc, c'est assez impressionnant. Il n'y a aucune post-synchro, là, tu sais, des CGI, là. Il n'y a rien de tout ça. C'est que du bon vieux cinéma avec des trucs d'Indiens pour nous faire croire, par exemple, dans la chevauchée à la fin du film. Tu te souviens de la chevauchée, là, quand ils luttent contre le soleil? Oui. Eh bien, tout ça, c'est... En fait, ils tournent en rond. Je te l'avais montré. Hein. Ah, il s'appelle un peu aussi. Ouais, enfin... God be praised. Dracula. Dracula. Elizabeth. The vengeful Turks shot an arrow into the castle, carrying false news of Dracula's death. Elisabetta, believing him dead, flung herself into the river. C'est la scène où lui, il trouve Mina. Pas Mina, mais Elisabeth. Elisabeth aussi. Et son message. Elle aurait pu attendre un peu avant de commettre l'irréparable quand même. Mais bon. C'est sûr que si l'histoire, c'était Elisabetta devant son sapin de Noël avec plein de cadeaux et que Dracula arrive et tue tout le monde... C'est sûr que l'histoire finirait là. Mais c'est pas ça qui arrive du tout. Du tout. Et c'est là, dans cette scène fatidique, que Dracul abjure Dieu. Et on voit ce qui arrive. Là, c'est pire qu'être laïque. Et dans son cas, c'est pas la laïcité. Lui, c'est dans son cas, c'est... Tu penses que TVA, ils vont mettre Dracula ou Radio-Canada? Peut-être. Je sais pas. Ils n'ont pas l'habitude de mettre beaucoup de choses qui soient antérieures à 2001, à part Back to the Future et Le Fugitif. Mais bon. On a la télévision qu'on mérite, chers amis. Joyeux Halloween sur les ondes de CKRL Radio. Le 89,1 à Québec. Se détendre un peu, tiens. Allons-y donc pour Uranium Fever. La fièvre de l'uranium. Elton Britt. Uranium ore is worth more than gold. So that's him. Head, I bought me a Jeep. I got that bug and I can't sleep. Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to stake me some government land. Uranium fever has gone and got me down. Well, I had a talk with the AEC and they brought out some maps that looked good to me. And one showed me a spot he said he knowed. So I straddled my feet down the road. Sur Québec, il pleut à dormir debout ou assis. Mais C'est pas vraiment la nuit pour étendre votre linge, les amis. Non. Non, non, il pleut et c'est parti. C'est parti pour la nuit d'Halloween. Joyeux Halloween sous la pluie. On the second day I made the top and I'm telling you Steve I was ready to stop. The only clicking that I heard that day was the bones in my back that had gone astray. Uranium fever has done and got me down. Uranium fever, it's spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to stake me some government land. Uranium fever has done and got me down. Well, you pack up your things, you head out again into some unknown spot where nobody's been. You reach the spot where your fortune lies. You find it's been staked by 17 other guys. Well, I ain't kidding, I ain't gonna quit. That bug's done caught me and I've been bit. So with a Geiger counter and a pick in my hand, I'll keep right on staking that government land. Uranium fever has done and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to stake me some government land. Uranium fever has done and got me down. Allons-y pour cette deuxième partie de l'histoire de Babou. Babou, cet immigrant, pas tout à fait sorti de l'auberge. Ça va être sur cette excellente trame sonore, Hillbilly, Rockabilly. She's got that try to kiss me smile. She knows she got your heart on trial. Blues taking this town. Depuis, Babou vivotait en vendant des roses pour payer le loyer de la chambre minable où il s'entassait avec une demi-douzaine de sans lapis ses compatriotes. Tous du bien dans la dèche, comme lui, et qui acceptaient placidement leur sort. Il émanait d'eux une telle résignation que ça touchait presque au nihilisme cynique. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais passer une semaine avec cette bande de babouins aurait pu faire déjanter n'importe qui d'équilibré et de très solide. Le marasme et le désenchantement total était leur lot de chaque minute. Pourtant, on se démerdait comme on pouvait. Qui vendait des fruits, qui vendait des jouets dans le métro, de la contrefaçon, des affiches, qui vendait des roses. My blues are like a shadow, they follow you all around. Hey, blues are like a shadow, they follow you all around. Ah, Babou, Babou cherchait à s'arracher de là depuis une paye. Ces pauvres loqueteuses analphabètes lui faisaient pitié, même à lui. Il lui donnait comme l'impression d'évoluer dans un film en noir et blanc. Il transportait dans tous leurs déplacements ce décor de série Z des années 40. Et Babou commençait à craindre d'avoir chopé le virus lui aussi. Quelqu'un, oui, quelqu'un cherchait sûrement à le rendre fou pour lui piquer son allume-cigarette. Le pire dans tout ça, c'était lorsqu'il pensait à chez lui. À tout ce soleil, à toutes ces couleurs. Mais qu'est-ce qu'il foutait ici? À l'air tiède et caressant, des soirées d'été à la plage quand il y pensait, à l'océan Indien, au sourire de sa maman. Il lui venait le sentiment de s'être trompé de vie. À l'écriture, il renonçait toujours un peu plus chaque jour. Comme un malade incurable renonce à la vie en regardant par la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Son grand projet, à peine entamé, parce que colossal, de traduction et de mise en scène du Ramayana, croulait sous la poussière et la saleté dans le coin le plus malfamé de la pièce. Néanmoins, grâce à l'ingénieux pragmatisme d'un de ses colocataires, le général des singes, quelques feuillets trouvaient de temps à autre une utilité particulièrement dégradante, surtout lorsque la chambrée se trouvait à court de PQ. Anymore I don't care about you. Found another I can do without you. You know why I begin to doubt you. You're that kind, baby, you're that kind. But you told me lies and you called me honey. Play with my heart and... Babou regardait maintenant son œuvre sans retourner doucement au néant d'où elle venait. La moisissure s'emparait déjà de ses pauvres feuilles mobiles en rongeant les coins. Le processus était long et douloureux pour l'auteur. Mais Babou survivait malgré lui. La détresse morale faisait partie intégrante de son quotidien. Maintenant, vous l'avez compris. Il ne lui restait pas plus de sentiments qu'à une balle de golf perdue dans la trappe de sable. Il assistait impuissant à sa vie qui s'écoulait suivant le rythme urbain, en spectateur blasé. Il renonçait même à parler français, à parler tout court, lui qui était si bavard de nature. Son accent redondant ne lui attirait que des moqueries de toute façon, et personne ne l'écoutait dans cette ville, à part peut-être ce maman. Mais elle était très loin. Et il y avait bien 3 mois qu'il ne l'avait pas eue au téléphone. Ça l'inquiétait énormément. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien devenir, sa petite maman? Était-elle malade? Pourquoi personne ne répondait jamais plus au téléphone? À elle, d'habitude, il racontait tout le contraire de ce qui lui arrivait. « Tout va super bien, maman. Paris est merveilleux. Les Français sont adorables et ils sont en train de me faire un pont d'or jusqu'à toi. Tu verras que, bientôt, tu pourras venir me rejoindre. Je travaille fort sur ma pièce et il y a même déjà plusieurs théâtres importants qui sont prêts à me financer toute la production. Ils disent que je suis un génie. Tu te rends compte, maman? Moi, ton fils, un putain de génie. » Pourtant, aujourd'hui, il aurait été prêt à tout balancer, à tout lui avouer à sa maman chérie. Should. Always telling me to be good. Hit me in the face and I usually would. You're that kind, baby, you're that kind. Anymore I don't care about you. Found another I can do without you. Ah. You know why I begin to doubt you. You're that Babou, kind. Il était à bout. Ton fils n'est qu'un loser, prétentieux. Une chure de mouche. Un putain de menteur. Un laissé pour compte qui ne réussit qu'à survivre tant bien que mal. Ton fils est malheureux, maman. Si tu savais ce que tu peux y faire, envoie-moi les sous pour rentrer chez nous. Non, non, non, non, non, non, non, non. C'est impossible. Babou aimait trop sa maman pour lui faire un coup pareil. Abandonner la table sans tenter de se refaire un dernier coup? Il fallait qu'il réussisse. Il avait encore du temps. Est-ce qu'un héros se débine devant l'épreuve? Bien au contraire. Se hisser à la hauteur de ce que le destin nous concocte, voilà ce qu'il faut creuser. Allons, Babou, continue, vas-y, ne laisse pas ta vie tomber dans la médiocrité. Tu as ton business à faire tourner, des roses à fourguer, un propriétaire à arroser. On a échoué que lorsqu'on cesse d'espérer. T'as encore ton chef-d'œuvre à élaborer. Allons, Babou, mec, arrête de pleurnicher. Et d'abord, sors de cette saleté de cabine téléphonique. La voix lui parlait sur un ton relativement calme et assuré, mais très ferme. Une voix intérieure qui arrivait à entendre très distinctement lorsqu'il se sentait sur le bord de lâcher prise. Il l'avait toujours écoutée jusqu'ici. C'était peut-être la voix de Charlie B, le seul pote décent et réellement honnête qu'il ait eu dans sa chienne de vie. « Marche !» disait la voix. Et Babou se mettait en marche, tel un bataillon sans conviction, un peu par habitude, je crois par amitié pour son vieux pote Charlie. Woo! It's Witchcraft, the name of the song. Witchcraft sur CKRL Radio. Vous écoutez le 89,1 et c'est à Québec. L'émission Genix et Climax 80 qui prend une pause de votre feuilleton radio préféré pour son spécial Halloween où on a décidé de vous proposer un autre texte du même auteur. C'est une chinoiserie parisienne, la 11e, et ça s'intitule L'arroseur arrosé. Le soleil de cette belle journée s'en était allé faire ses courses à l'autre bout de la terre. Il était un peu plus de 21h, rue du Faubourg Saint-Honoré. Les consommateurs se retirent et décrochent en bon ordre des magasins, sous l'œil menaçant des salariés, qui en ont plein les bottes et ne voient pas l'heure de retrouver leur téléviseur. Babou les regarde en passant, sans pouvoir s'empêcher de penser que tout cela n'a pas grand sens. Comment faire quand on a deux sous de jugeote pour s'insérer dans cette dialectique absurde? Encore qu'il avait lui-même un doigt dans l'engrenage, rien qu'en vendant des roses ou des conneries. Et qui plus est, sous pression à des gens qui ne lui demandaient rien. Du moment qu'on achète ou qu'on vend, on fait tourner plus ou moins la machine. C'est juste ce qu'il faut se dire. Bien que cela ne disait pas grand-chose à Babou à ce moment. Il marchait. Il cherche, de sa vue de petit animal en voie d'extinction, le premier couple de poires qui lui achètera au moins une seule de ces roses hydroponiques, qui ne verront jamais de leur vivant le soleil, la rosée, une abeille. Ceci n'est pas une rose. Cela en a pourtant la couleur, la forme, les épines. Attention, ne vous y trompez pas. Elle n'a que l'apparence. Elle n'est qu'un pitoyable simulacre de beauté. En elle, il n'y a pas de vie, pas d'amour, ni de parfum. Elle a été forgée par l'esprit malade et cupide d'un andouille à lunettes qui a fait de hautes études et qui n'a jamais baisé de sa vie que par Internet. Comment voulez-vous, après cela, créer une rose crédible? D'ailleurs, quel intérêt y a-t-il à créer une rose qui ne sentirait que la mort du rêve et le goût du lucre? Allez-vous offrir un pareil monstre à l'élu de votre cœur, quel qu'il soit? Il me semble que cette petite chose artificielle, aussi fleur soit-elle, est aussi peu faite pour l'amour que l'amour lui-même est fait pour le cœur d'une coquette ou un registre de comptable pour la main d'un poète. Babou savait très bien tout cela. Mais, comme bon nombre d'entre nous, il laissait faire. Parce qu'il avait urgemment besoin de cash. Alors, le jeune homme continuait sa marche insensée, en alpaguant des touristes attardés devant la vitrine d'une bijouterie ou le menu d'un restaurant. On le congédie d'un regard, d'un hochement de tête ou d'un geste de la main, comme on chasserait un moustique. Babou tournait et tourbillonnait comme un Colin Maillard, un boomerang, comme assommé, je vous dis, ballotté d'un trottoir à l'autre. Il entrait dans les restaurants quand on le laissait rentrer. Il rebondissait de table en table jusqu'à la porte de sortie. Ping-pong, ping-pong, juste comme une sacrée grosse boule de flipper. Ping-ping, pong-pong-pong. Hélas, si chacun de ces porcs qu'il rencontrait dans les restaurants aurait pu lui donner 25 cents pour toutes ces cabrioles et les acrobaties qu'il réussissait à combiner sans se faire trop mal, il aurait pu devenir riche, arrêter tout le cirque et se retirer pépère sur une île du Pacifique qui n'est sur aucune carte, pour y faire pousser des citronniers et des moaïs, nouveau genre, fonder une nouvelle race. Regardez Babou, son bouquet à la main. Allez comme un pauvre idiot. C'est pas possible, vous le connaissez. Vous avez certainement dû le croiser quelque part. Toujours à traîner, l'âme en peine, l'ego et les nerfs en loc, à la merci de la méchanceté du premier venu, victime consentante du colibet, lancé par des ivrognes ou par des filles à colifichet. Quelle tristesse pour un garçon aussi doué et intelligent d'en être réduit à devoir supporter qu'on le tourne en dérision en échange de quelques piécettes de monnaie. Ou même de rien du tout, la plupart du temps. Vers 22h30, Babou avait réussi à ramasser un beau gros 6 euros. Tout travail mérite salaire. Babou ne lâche pas. Il ne lâchera jamais. Il se crèvera à la tâche. toute façon, il en a vu d'autres. Babou. Babou se fout de tout aujourd'hui. No problem. Yes, yes. Babou a repris son rôle de babouin, ou de moins que rien. Il a trouvé la parade infaillible pour les plaisanteries dont il fait si souvent les frais. Aussi, pour les serveurs protectionnistes, pour n'importe quel agent de l'autorité de l'État ou même de la RATP, quand on s'intéresse un peu trop à lui et à ses papiers, il fait le mort, tu vois ? Il fait tout bonnement semblant d'être né stupide, illettré, et de n'y rien comprendre à que dalle. Non, flincé ! C'est ça, ouais. Il pige rien à ce qu'on lui raconte, ce zèbre. C'est bon, lâche-le. J'ai pas envie de m'emmerder aujourd'hui. Comme ça, il est pas embêté. Personne n'est embêté. Il peut rester bien peinard dans sa petite bulle, été comme hiver. Bien que, encore, parfois, il lui arrive de sortir de ses gonds. Ça dépend. Au bout de tout ça, Babou a fini par arriver sur les grands boulevards. Le cœur du royaume apathique, comme il disait si bien. Il décide de tenter un blitz vers le Hard Rock Café, bien qu'il n'y croie plus depuis longtemps à cette cage à touristes. 1000 fois, il s'est fait jeter de là-bas. Par contre, il suffirait qu'il réussisse à éviter le cordon de serveurs vigilantes à l'entrée pour avoir accès, lui aussi, quelques minutes, à cette manne touristique. Il tente sa chance. Il est dans la place. Le cheval de Troie, qu'il est, fonce, l'écume à la bouche. Ils sont tous complètement faits. Ce sera facile. La garde est endormie ou au bordel à cul. Vas-y, mec, montre-nous du grand Babou. Alors, ils sont là, les touristes, à sa portée. Ils ont tout ce qu'il lui faut en menu-monnaie dans leur sac ou leur poche de veston. On a le cupidon que l'on mérite, les amis. À vos amours, monsieur, dame. Les touristes l'ont repéré désormais. Ils se marchent dessus avec des billets de 5 euros pour lui acheter toute sa cam. C'est vraiment la pagaille, l'histoire. On se croirait au Stampede de Calgary ou en plein concert de Jimi Hendrix. Tout ça pour un galérien qui vend des roses? Vrai comme je vous le dis. Babou lui-même n'en croit pas ses yeux. Va-t-il finir enfin par cartonner finalement? Pour une fois? Presque. Mais juste au moment où il a déjà distribué 2 roses à chacune des dames si présentes, à une table de retraités scandinaves en vadrouille à Paris, enfin bref, il est sur le point d'empocher l'argent quand soudain, il sent une main très ferme mais dépourvue de toute espèce d'état d'âme l'empoigner par les épaules de son vieux paletot pour l'emmener au loin, vers la porte de sortie. Loin du mirage et de ses charmants petits billets de 5 euros. Tout au bout de ses mains anguleuses et brutales, un serveur. Il n'a pas l'air content du tout, ni commode. Ce sera sans cérémonie qu'il jettera Babou et son servile bouquet de roses mortes sur le trottoir, avec une grande poussée dans le dos. Des mots étouffés de rage, inutile. Rage inutile, traverseront les dents du serveur. Il ne t'avise plus de revenir traîner dans le coin, espèce de petit bâtard parasite. Allez, rentre chez toi, putain d'indigène. Tu vois pas qu'il y a rien que des emmerdes pour toi dans ce fichu pays? Babou. Babou a fait le mort. Une fois de plus. À quoi bon lutter devant Shiva, le destructeur de monde? Il a le droit pour lui. Il a la couleur. Bleu, comme les petits billets de 5 euros. Babou a soudain pris l'attitude d'un vieux sac de pommes de terre pour ramasser son bouquet qui gisait tristement par terre sur le macadam. Le serveur a cru bon d'ajouter « Et t'oublie pas surtout, la prochaine fois que je te prends en train d'essayer de racketter mes clients, je te crame la tête et j'appelle les frisés qui te refoutront illico dans ton putain de pays. » Ah, Babou, lui, hélas, s'était déjà mis en route pour sa prochaine étape. Il n'était pas du genre à... Enfin, il voulait surtout mettre de la distance avec l'événement et les paroles de cet homme. Ce bougre d'homme. Normalement, on ne le virait pas aussi sec et avec autant de violence. Pourtant, comme vous voyez, ça arrivait. On s'habitue, comme pour tout. Ce sont les risques du métier. Le métier de métèque. Ce soir, il continuerait envers et contre tous. Obligé. Il fallait rentrer avec au moins 15 euros. Il devait 3,60 € à Zermi, un de ses colocs. 5 pour se nourrir chez le chinois du coin. Il lui resterait 6,40 € pour le reste. La vie est une tartine de merde, mon grand. L'important, c'est de participer et de s'en taper une bonne bouchée tous les jours de sa vie, jusqu'à nouvel ordre. Babou est frustré à mort. Il serre les dents. Rien ne marche. Personne ne l'aime. Il a des frissons, tellement il a les boules. Il capote. Il a le goût du sang. Sans trop savoir quoi faire avec, d'ailleurs. Après tout, Babou, il ne veut de mal à personne. Il voudrait juste trouver une belle nana ce soir pour baiser avec elle. Et aussi, lui laver ses chaussettes. Un de ces jours, vous savez quoi? Eh ben, qu'un de ces jours, que sa maman puisse être fière de lui. Un de ces jours. Babou ne veut plus de ces gens. Babou fait la moue. Il en a marre. Il veut retourner chez lui, à la plage. Les gens sont trop méchants à Paris. Mais misère à chien, dites-moi donc quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Alors, vous avez entendu la 11e chinoiserie parisienne, Monsieur Florian, tout droit réservé, 2008. Et c'était donc l'arroseur arrosé, l'histoire de Babou le métèque. Et voilà, donc on l'a fait. Et c'était en exclusivité sur CKRL Radio, la nuit. 89,1. Il est 2h35, les amis. On est encore ensemble jusqu'à 3h du matin. Et on va écouter une excellente chanson de Prodigy. De Tricky. Excusez-moi. Donc on écoute Tricky sur les ondes de CKRL Radio la nuit. 89,1. It makes me wanna die. Joyeux Halloween, les amis. Says if I change my stride, then I'll fly. She makes me wanna die. Change my stride, then I'll fly. Look to the sun. See me in psychic pollution. Walking on the moon. And how could you dare? not even converse in universe. You know it's ironic. Smoking hydroponic. She makes me wanna die. And change my stride, and then I'll fly. And she makes me wanna die. Follow where Mary goes, and cherish the things she knows. Says if I change my stride, then I'll fly. And change my stride, then I'll fly. Look to the sun. Tricky, c'était son album Millennium Tension, un excellent album. Pour la prochaine, pour ce qui nous reste, je vous avais promis des chansons de mon cru, et votre serviteur a fait beaucoup de choses dans sa virée musicale qui dure depuis le milieu des années 80. Et donc, à un moment donné, j'ai travaillé avec des gens de Zurich, très bons amis. On les salue. We say hi to them, to Chris, to Frankie, to Leon. And on va écouter Marshmallow Dream que j'avais fait pour un DJ qui avait eu la cote à l'époque, Pat Farrell. Et cette circonstance, ça s'appelle Marshmallow Dream, et c'est maintenant sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Joyeux Halloween. out of nowhere. Well, you know, I'm here to have a little fun. And when I've seen you right there, I had the feeling I was just a little punk. Take me out of my spleen to a marshmallow dream. To a marshmallow dream. Change me for an ice cream, and it's easy as it seems. Take me out of my spleen to a marshmallow dream. Change me for an ice cream, and it's easy as it Marshmallow Dream de DJ Pat Farrell de Suisse. Pat Farrell featured Dorian. Dorian is Mr. Florian. Vous êtes sur CKRL 89.1 à Québec. Un autre morceau trance qu'on a commis un certain jour de printemps où notre acolyte était parti sago. Frankie. Where is Frankie? Frankie is on the go. On écoute Moonlight Madness sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. On était censé avoir une DJ ce soir aussi, mais on dirait que la pluie a lavé tout ça. va se reprendre. On va s'organiser mieux cette fois. Joyeux Halloween. Vous pouvez nous rejoindre, il reste encore 12 minutes au show, au 640-1586. Les chansons, les deux dernières, Marshmallow Dream et celle-ci, Moonlight Madness, vous pouvez les retrouver sur les réseaux, enfin sur nos liens. Donc, on a un compte X, Twitter, donc vous allez vous chercher... Genix et Climax 80. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur Facebook, Mr. Florian, Monsieur Florian en lettres capitales, en lettres majuscules. Donc, Monsieur Florian en lettres majuscules. Les deux chansons avec tous les liens où vous pouvez les procurer, enfin, sur les plateformes électro, seront disponibles. Donc, vous pouvez enrichir votre bibliothèque audio. Avec cette petite contribution de Monsieur Florian, votre animateur, tous les vendredis à minuit jusqu'à 2h du matin. C'est l'émission Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré sur les ondes de CKRL Radio. En direct, tous les jeudis soirs à minuit, sur les ondes du 89,1 Québec. As-tu entendu parler de 3i Atlas? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Pas Interstellar. Qu'est-ce que j'en pense? C'est une comète ou c'est un extraterrestre? Enfin, c'est une technologie. Checkez ça, les amis. Atlas 3i. Un sujet débordant d'intérêt. Non seulement pour la francophonie et pour l'auditoire de Genix et Climax 80. Vous savez que vous pouvez écouter Genix et Climax 80 partout dans le monde et partout où vous vous trouvez, que ce soit dans le bus, que ce soit en voiture, que ce soit en faisant la vaisselle. C'est une émission à caractère littéraire. Mais pas que ça, les amis. C'est rempli de musique et c'est très bien aéré. Vous verrez. L'essayer, c'est l'adopter. C'est pas pour rien que c'est le feuilleton radio préféré dans toute la francophonie. On y va avec notre séquence crinquée. Et c'est une chanson que je dédie ce soir d'Halloween à tous les méchants crinqués qui nous écoutent encore. Sur CKRL Radio, la nuit, au 89,1, à Québec City. On écoute les doors, les portes, qui nous permettront de sortir indemnes de cette soirée d'Halloween, dont on a été ravis d'être les petits clowns sympathiques. On a pris une pause de nos petites chroniques, mais on revient la semaine prochaine. C'est pas fini, les amis. This is not the end. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So live madness and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Donc, n'hésitez pas à partager les podcasts, le lien. Vous allez sur le site de CKRL Radio et vous faites programmation, vous cliquez sur le menu programmation, puis cliquez sur vendredi et vous avez à votre disposition, dès ce soir, 3 épisodes. Incluant notre spécial d'Halloween de ce soir, mais vous aurez les 2 derniers épisodes, donc l'épisode 14 et 15 de Gen X et Climax 80. On est particulièrement content du 15e épisode. Je pense qu'on s'améliore. Et c'est grâce à vous, les amis. Merci pour vos messages personnels. Soyez pas gênés d'être expansifs et de le dire. Venez nous voir sur les réseaux, sur X, sur Facebook. On vous attend, les amis. C'est tout pour notre spécial d'Halloween 2025. Puis, t'as aimé ça, Lana? Oui. On nous a manqué nos deux collègues qui étaient censés fêter cette soirée spéciale d'Halloween avec nous, mais ça sera pour une autre fois. Martin et Laurence, ça sera pour une autre fois. Et de toute façon, on sera là la semaine prochaine? Oui, bien tout sûr. À fait. Et pour tous les nostalgiques de la Gen X et Climax 80. C'est pas des nostalgiques, c'est des gens qui aiment la bonne musique. Et des histoires encore mieux, meilleures, non? Et des histoires un peu déjantées. Ouais. On va retourner donc la semaine prochaine à notre feuilleton radio, votre feuilleton radio préféré. Et on va retrouver donc notre Gen X et sa fameuse virée noctambule à la recherche de sa maman, la fugueuse, la bougresse du bar Lorraine. Et on aura peut-être un invité surprise aussi la semaine prochaine. Restez des nôtres, les amis. La semaine prochaine, pour le 17e épisode de Genix et Climax 80 sur les ondes de CKRL Radio, le 89.1, en direct de Québec, sur la 3e avenue. Allez-moi la loue, les amis, et j'en profite aussi pour vous parler. Demain, il y a la nuit. C'est la nuit du Grand Loup. Et donc, c'est un parcours halloweenesque sur la 3e avenue. Et c'est demain, entre 17h30 et 22h, en tout cas. En espérant que la pluie nous lâche la grappe ce soir à Québec. En tout cas, c'est tout pour ce soir. Bonne soirée, tout le monde. Bonne nuit. Et à la semaine prochaine sur Genix et Climax 80. Au 89.1 CKRL Radio à Québec. CKRL 89.1. À Télé-Québec, aucun sujet n'est tabou. Ça va faire jaser dans les chaumières. Stéphane Bureau invite au débat. J'ai envie de sauter dans l'arène. Prenez part à la discussion. Ils sont déchaînés. Une époque formidable. Mercredi 20h et sur le web et l'appli de Télé-Québec. Le site archéologique Quartier Robertval à Cap-Rouge prolonge sa saison de visites libres jusqu'au 21 novembre. Venez admirer la vue spectaculaire depuis la passerelle, capturer des clichés inoubliables ou simplement vous ressourcer au cœur de paysages automnales magnifiques. Ne manquez pas cette dernière chance de découvrir un site historique et une vue impressionnante avant l'hiver. N'oubliez pas, cet automne, on se donne rendez-vous au site archéologique Quartier Robertval à Cap-Rouge.